bout de tes lèvres sur mes lèvres, le bleu de tes yeux dans mon ciel et ta peau parfum d'orange. Je veux tout oublier. Les pourquoi pas, les orages en été et tous les souviens-toi, j'ai tout oublié. Les têtes à tête aux éclats et les dentelles en chocolat, les 14 rues de la Gaîté, je veux tout oublier. Le rose de tes caresses, le soleil en transparence, les battements du silence, j'ai tout oublié. Les promesses de nos nuits blanches, les films en VO du dimanche, les arabesques de tes hanches, je veux tout oublier. Les pourquoi, oui pourquoi, les ombrages en été, tous les rappels, moi j'ai tout oublié. Tes lèvres sur mes lèvres, le bleu de tes yeux dans mon ciel et ta peau parfum d'orange, qu'en pourrais-je oublier.